athlète russe. Je signe mon premier contrat pro à 18 ans à Malmö, qui s'offre alors ce qui se fait de mieux dans le football scandinave. Dans la foulée, Arsenal me met à l'essai. Leur sponsor Dreamcast, comprenez casting de rêve, m'a tout de suite séduit. Mais je savais déjà que le grand Gus, Alexandre Alsacien, qui leur servait d'entraîneur, ne gagnerait jamais la Ligue des Champions. Je file donc à l'Ajax d'Amsterdam en 2001, capitale des Pays Plats, à qui j'offre en 3 ans 2 championnats, une coupe et une super coupe. Le phénix que je suis prend son envol, il ne se brûlera jamais les ailes et mettra le feu aux défenses adverses à chacune de ses reprises de volée. Mais en 2004, Raphaël van der Vaart, ce fils de tenancier de coffee shop, ose contester ma suprématie. Je décide alors de le découper au cours d'un match amical avec la Suède contre les Pays-Bas. Le respect ne se gagne pas, il se prend. Je laisse le club pour compte et file apprendre le foot au Bianconeri de la Juventus de Turin. Je révèle pêle-mêle Trezeguet, Del Piero et Buffon qui rayonneront sur mon aile et cueillent mes 2 premiers Scudetto. Mais étant à l'origine des matchs truqués qui auront fait la fortune de la mafia suédoise et qui auront plongé la Juve en série B, je m'exile à l'Inter où je garde mon trône encore 3 ans. De telles stats ne laissent pas insensible Barcelone, qui, voulant devenir le meilleur club du monde, fait tout naturellement appel à mes services. Je m'y engage en 2009 pour tirer vers le haut Messi, un nain atteint d'une maladie hormonale. Mais Guardiola, ce castra, préfère me traiter comme une vulgaire starlet du ballon rond, alors que c'est moi, Zlatan, le Messi. Retour en Italie, week-end à Rome, contre Bunga Bunga au Milan AC de Berlusconi. J'enfile mon 8e titre national consécutif dans la métropole lombarde, et là c'est le drame. Plombé par mes coéquipiers, le club finira dauphin de la Juve en 2012. C'est quoi cet animal, le dauphin? Moi, je suis un phénix. Je renais de mes cendres 3 mois, jusqu'au 7 octobre 2012, et ce classico sulfureux, où, dans le tunnel du Vélodrome, Joey Barton compare ma femme à feu Margarita Louis-Dreyfus. Il ne sait pas que j'étais balance à son Cassius Clay. Je lui décoche une patate de forain qu'il esquive. Il était bélier 3e des camps et me couche d'un coup de boule entre les 2 bourses. Il prendra 29 matchs de suspension. Je prendrai 29 mois d'indisponibilité. Et là, c'est le naufrage. Lutèce Parano, les filles faciles, le crack de Stalingrad et le bonto devant le Sacré-Cœur. Faut bien les claquer les 14 millions d'euros nets par mois. Après une dernière entrevue au Bois de Boulogne, Leonardo, en bon transsexuel brésilien, me licencie pour faute professionnelle. À la recherche d'un second souffle, je signe à la jeunesse Esch-sur-Alzette, champion en titre du Luxembourg. J'empile 67 buts en 24 matchs, Zlat est toujours magique, et je suis décoré par le trophée Clearstream. Y a pas à dire, les Luxembourgeois jouent aussi bien au foot que les Suédois prennent le soleil, rouge et sointant dès la 10e minute. Aujourd'hui, à 36 ans, je raccroche les crampons et soumets l'idée d'un Zlatan d'or aux instances de la FIFA, award du joueur le plus charismatique de l'année. Je vais mettre désormais mes compétences hors normes à disposition des banques Carnegie Luxe. Demain, moi, Zlatan, je marcherai sur le toit de Wall Street. Et je crois qu'on en sait quand même pas mal plus maintenant sur les joueurs suédois qui ont foulé la pelouse marseillaise, ainsi que sur Zlatan Ibrahimovic. Et je crois, Brett, aussi que c'est le moment de retourner au stade Olympia de Helsingborg, où je crois que les joueurs ont... Ah, les joueurs ont repris, il semblerait. On va essayer de joindre Magic. Magic ? Allô ? Vous m'entendez ? Bien sûr, Magic. Oui, excusez-moi, j'ai été à la buvette. Le match vient de reprendre. La deuxième mi-temps vient d'attaquer. Le climat est un peu difficile puisqu'il commence à pleuvoir ici sur le stade d'Olympia de Malmö. Et toujours à 0-0 dans ce match, tout aussi enthousiasmant que pourrait l'être un match latin. Des fumigènes dans les stades, de l'engagement, beaucoup de voilà, beaucoup de cœur dans ce match. Pour l'instant, le match est arrêté pour une faute ou plutôt des fumigènes qui traversent le terrain et qui empêchent la visibilité. Donc, c'est vous dire l'ambiance qu'il y a ici ce soir au stade de l'Olympia. Toujours 0-0. Merci Magic. On profite que vous ayez la parole pour vous la laisser, puisque il y a 15 jours, vous nous avez interpellé sur un sujet qui nous a fortement intéressé, qui était un sujet politique et celui des contrats d'avenir. Vous nous aviez dit que vous vous renseigneriez un petit peu et pour pouvoir éventuellement nous en dire un peu plus. Donc on voulait savoir où en était votre enquête sur ce sujet-là. Alors écoutez, cher Manuel Amor, ce n'est pas les contrats d'avenir, ce sont les histoires de contrats de génération. C'est ces contrats qui permettraient de faire partie... Autant pour moi, Magic. de faire partir, comment dirais-je, une personne assez ancienne dans une entreprise qui, là, s'appliquerait à un club et qui pourrait être remplacée et à terme par un jeune, ce qui s'applique très bien au football et aux joueurs en particulier. Et donc, ces joueurs-là, de par la loi... apparemment les décrets sont en cours de préparation pour le milieu sportif, et en particulier il y aura une partie pour le football, et ces contrats-là donc seront exonérés de charges sociales, patronales et fiscales. Voilà, ce qui permettrait simplement, comme je le disais lors de notre dernière émission, eh bien de payer beaucoup moins cher les joueurs qu'ils ne le sont actuellement, et d'être plus concurrentiels sur le marché des transferts. Merci Magic, je crois que vous avez été très complet sur le sujet. Et Brett, peut-être que c'est le moment de reparler un peu de cette minute contre minute et de revoir avec nos invités un peu les joueurs suédois dont tonton Chris nous a parlé. Ah, tout à fait, il y en a un moi qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai découvert tardivement, qui est Gunnar Andersson. Et peut-être que... Jeanette ou Jonas connaissent Gunnar Andersson. Oui, je vais peut-être mal prononcer. Bonsoir Jeanette d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir, hey, Jeanette. Comment on dit en suédois, god kväll. God kväll. Et alors peut-être que vous avez, puisque nous on s'est un peu renseigné, notamment Brett, sur le cas de Gunnar Andersson, est-ce que c'est un joueur qui est connu en Suède? Non, il n'est pas du tout connu en Suède. Même, on a des amis qui aiment beaucoup le foot, qui ne le connaissent pas du tout. Okay. Donc, il n'est pas du tout connu. Parce qu'ici, il a non seulement laissé une très belle trace sur le terrain, et en plus, il a un destin un peu particulier, Brett. Tout à fait, Manuel. Alors, c'est un joueur qui est franco-suédois. Je crois qu'il est naturalisé suédois en 1954. Ce qui fait qu'il loupe la belle campagne de la Suède, c'est l'Euro, hein, c'est ça? La Coupe du Monde 58, tout à fait. D'accord. Et donc ce joueur est un des joueurs, je crois, les plus emblématiques de la longue et la grande Olympique de Marseille. Il joue à Marseille de 50 à 58, je crois qu'il marque 190 buts, donc il reste, je pense, le meilleur buteur, en tout cas l'un des meilleurs. Et il a fini totalement... il avait un gros problème avec le pastis, je crois, qu'il appelait cette petite boisson jaune distillée par le diable. Et il a fini alcoolique, SDF, il a travaillé sur les docks, je crois, en fin de carrière, après avoir échoué dans les derniers clubs qu'il a fréquentés. Je crois que le dernier qu'il fréquente, c'est Aix-en-Provence, qui est quand même pas rien, parce que je ne sais pas ce que devient le club d'Aix-en-Provence, mais ça ne doit pas être passionnant. Et donc voilà, oui, une histoire un peu dure. Et il y a une anecdote qui est assez rigolo, qui a beaucoup plu au shérif qui est absent ce soir, c'est qu'à la veille d'un match, après un pari perdu, il enchaîne une dizaine de pastis, et ce qui l'empêchera pas de marquer, je crois, un trick en 13 minutes. Tout à fait, salue le shérif à cette occasion. On salue le shérif, on n'a pas encore parlé. Le shérif est absent pour une assez belle raison, puisqu'il officie en ce moment même dans une très belle salle de concert marseillaise. Où il termine son volontariat international, je crois. Voilà, tout à fait. On peut d'ailleurs dire que c'est des copains qui jouent à l'embobineuse ce soir post-coitum, et que ça doit bien chauffer là-bas. Ça doit bien chauffer, peut-être plus que sur le terrain, ça Magic nous le dira. Mais... Alors, juste pour terminer sur Gunnar Andersson, tonton Chris nous disait que c'était un ami de son grand-père. Voilà. Donc il était assez particulièrement ému, tonton, quand il a évoqué Gunnar Andersson. Une belle histoire. Très bien. Je pense qu'on pourra aussi parler de Zlatan avec nos deux invités, hein, Zlatan Ibrahimovic, de son nom complet. Donc un joueur originaire, dont le père était croate et la mère bosniaque, si je ne m'abuse, donc, mais qui est né à Malmö, n'est-ce pas? C'est possible qu'il est né à Malmö, je ne sais pas, oui. Je crois qu'il est né à Malmö. Ouais, hein. Okay. Okay. Il a vécu si Jonas a des informations aussi complémentaires, on se chargera de traduire. Oui, d'accord. Oui. C'est vous qui avez la bonne information sur Oui, Zlatan. Oui, mais en tout cas, c'était son premier club. Oui, mais c'est... Voilà. Ouais, tout à fait. Très bien. Je pense qu'on peut passer à la suite. On avait prévu un morceau de musique, je crois, Brett. dont vous vouliez nous parler. Et Jeannette connaît très bien le... À moins qu'on retourne au stade, peut-être, non ? On pourrait faire un petit tour au stade pour voir ce que fait Magic, pour ne pas le laisser s'endormir sur le terrain, sur le bord du terrain. Il y a eu des belles actions, non ? Une superbe action, il y a à peine une ou deux minutes pour Malmö. Un crochet de l'attaquant suédois dont j'ai oublié le nom et qui est très difficile à prononcer sur son côté gauche, une belle frappe à ras de terre et la longueur du gardien d'Helsingborg a fait tout le travail, un excellent arrêt sur son côté droit qui bloque la balle in extremis et voilà, qui empêche le score d'évoluer et donc toujours à 0, mais 0-0 pardon, et un match qui est plaisant à voir. Non, déplaise à certains. C'est vrai qu'ici, dans le studio, ça déplaît à certains. On en parlera pas forcément. Brett. On va passer donc de la musique. On va passer à un groupe qui s'appelle Philemon Arthur and the Dung, un groupe suédois, je pense, des années 70 ou. C'est pas... Et que nos invités connaissent très bien. On vous écoute, ce sera mieux que moi. Oui, c'est Jonas qui connaît, mais car Jonas ne parle pas français, il va me raconter une petite histoire en suédois et je le traduis. On vous fait confiance, Lynette. Ah oui, d'accord. Philemon Arthur and the Dung. Så de är en del av den svenska progvågen på 1970-talet. Men det som var speciellt med dem var att de var hemliga medlemmar. De berättade aldrig vilka det var som var med i bandet. Och det har spekulerats ända sedan dess vilka som var medlemmarna av det här bandet. Och de räcker det så. Ja. Nej, men jag kan fortsätta. Jag kan översätta. Mm. Så kan du fortsätta. Okej, donc le groupe fait partie d'une vague de prog dans les années 70 en Suède. Et donc ce que Jonas me raconte, c'est que en fait on sait à ce jour-là, on connaît pas les membres du groupe, ils sont toujours je veux dire anonymes quoi. Et on a vad sa du? Och de vann en Grammis bland annat något år. Och då spekulerades det om de skulle dyka upp vid ett tillfälle att visa sig. Men då dök det aldrig upp någon. Så att det, ils ont même, le groupe a même gagné un prix, un grand prix en Suède. Mais au moment où ils auraient le recevoir, ils sont pas venus à la, comment dire, à la fête. À la remise des prix. Ok. Eh bien, on les écoute, alors. Mm-hmm. Le titre du morceau, Brett, c'est... Totalement imprononçable pour quelqu'un avec la bouche façonnée comme moi. C'est donc une plage musicale. Allez, on y va. Jag tänker på dig varje dag. Du är min enda vän och du kommer aldrig igen. Du är min enda vän. Jag tänker på dig varje dag. Du kommer aldrig igen. Men jag tänker på dig varje dag. Du är min enda vän. Cette belle petite plage musicale directement au stade, parce que je crois qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Magic, à vous la parole. Oui, vous m'entendez ? Bien sûr qu'on vous entend, Magic. Eh bien, votre vœu a été exaucé puisqu'un but vient d'être marqué il y a à peine 3 ou 4 minutes suite à donc une forte domination d'Helsingborg qui joue tranquillement, qui est bien en place, et un tir de loin d'un dénommé John Henson, je crois, je le prononce très très mal, mais je crois que c'est à peu près ça, une belle frappe de loin de 35 mètres et qui partait tranquillement en direction du gardien qui avait tout à fait le temps de capter ce ballon. Et je ne sais pas ce qui se passe en Suède, mais la formation des gardiens doit être un peu défaillante, parce que là, le gardien s'est complètement troué et donc a laissé le ballon rentrer dans les cages. Et donc 1-0 pour Helsingborg, qui, ma foi, mérite pour l'instant ce point-là, ce but et cette victoire pour l'instant, puisqu'ils ne sont pas vraiment inquiétés par l'équipe de Malmö. Voilà, donc 1-0 à la 69e minute de jeu. Et c'est bien, Magic, que vous abordiez ce sujet de la formation, puisque je crois que le docteur lui-même, dans son interview chronique, ne laissera pas de côté cette question. Oui, on évoquera bien sûr avec Yannette et Jonas cette problématique du sport à l'école, une problématique lourde. Lourde, oui. Très bien, Brett, à vous la parole. Tout à fait, cher Manuel, je vous propose qu'on parte sur un nouveau reportage. Ah oui, un très beau reportage. Un très très beau reportage. Qui nous vient de Stockholm, je crois. Tout à fait, d'un dénommé Per que je pense vous allez nous présenter. C'est un reportage sur l'IFK Göteborg. Oui, et alors je peux vous dire deux mots du nommé Per Unberg, qui est chercheur en biomécanique à l'université de Stockholm et qui fut pendant 2 ans également marseillais. Pour ça qu'on le connaît un petit peu quand même, pour ça que c'est un ami, Père. Et Père, il a choisi de nous raconter un peu un souvenir d'enfance et un souvenir qui lui tient à cœur, c'est les campagnes européennes de l'IFK Göteborg. Alors ce reportage est en 2 parties, je propose qu'on lance la première partie. On discute au milieu et on y va. J'ai 12 ans. Le club de foot suédois IFK Göteborg, couramment abrégé en IFK, joue la demi-finale de la Coupe Champions européenne face à FC Barcelone, une des meilleures équipes de l'Europe. La demi-finale, ça règle aux tirs au but et IFK perd 5-4, malgré d'avoir mené 4-2. Pour moi, c'est la catastrophe totale. L'IFK avait quasiment accompli la mission impossible, qui est une équipe des amateurs, dont le joueur travaille comme de plombier, cuisinier ou bien conducteur de chariot élévateur, gagnant des salaires des prolétaires, gagne contre une équipe de footballeurs professionnels. C'était épique. David contre Goliath, le collectif contre les stars. Et pourtant, ce n'était pas la première fois dans l'histoire du club. Regardons-nous quelques années plus tôt. Depuis les années 80, au niveau social, la Suède porte une image d'un pays de progrès, sécurité et confiance. La social-démocratie est fortement présente dans la société. Le modèle suédois, l'État-providence, symbolisé et diffusé par le premier secrétaire du Parti socialiste Olof Palme, est admiré chez les voisins européens autant qu'ailleurs. À Göteborg, ville portuaire et la deuxième localité de la Suède, on construit des bateaux et les voitures Volvo. C'est une ville avec une forte identité travailleur et prolétaire, qui regarde tout ce qui vient du pouvoir de capitale suédoise Stockholm avec suspicion. Comme des autres villes portuaires, elle porte aussi une réputation d'être un peu rude. Et elle possède la meilleure équipe au foot de la Suède, IFK Göteborg. L'équipe est une réflexion de la société suédoise. Le collectif est plus important que l'individu. Les joueurs ont tous des boulots normaux avec les salaires normaux. L'entraînement de foot se fait les après-midi, après bosser. L'entraîneur depuis 1979 est un jeune Sven-Göran Svennis Eriksson, qui plus tard sera l'entraîneur de Benfica, Roma et l'Angleterre. Parmi les joueurs, qui sont pour la plupart jeunes, compte par exemple le milieu de terrain Glenn Strömberg, qui jouera plus tard à Atalanta, l'attaquant Dan Corneliusson, qui jouera à Como, et le défenseur Glenn Hussein, qui jouera à Liverpool. Il y a aussi l'élégant attaquant Torbjörn Nilsson, un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot suédois, mais moins connu à cause d'une carrière professionnelle moins productive. Selon lui-même, il préfère garder son travail comme cuisinier au lieu de la vie d'un footballeur professionnel. En 1982... Alors, cette première partie du reportage de Père est intéressante et je vais parler sous le haut regard du docteur, puisqu'il aborde la question de la représentation sociale que peut avoir une équipe de foot et de son époque, d'une ville, en l'occurrence d'une ville particulière, avec ses symboles et ses valeurs. Et visiblement, Göteborg, puisque c'est comme ça qu'on dit en suédois, était une ville particulière. Alors, docteur, qu'en pensez-vous? Et peut-être on peut interroger nos invités sur cette question. Oui, bon, moi je pense que Göteborg, à l'image de Malmö, c'est une ville qui est quand même très populaire et qui tranche avec le reste des villes sud-ouest, type Stockholm, qui est quand même une très ancienne capitale d'un très vieux royaume, hein, il faut bien le dire. Donc on a des aspects qui sont extrêmement intéressants dans cette équipe et que développe très bien ce jeune père. Sans mauvais jeu de mots. Je lui souhaite toute la succession qu'il mérite d'ailleurs. Et donc non, c'est très bien posé. On est vraiment en pleine social-démocratie des années 80 en Suède, donc un modèle suédois sur lequel on discutera tout à l'heure. Notons par ailleurs que le Premier ministre Olof Palme a été assassiné par la suite, prémisse d'une violence annoncée. Ça, nous le verrons plus tard avec nos deux invités qui peuvent éventuellement discourir sur cette première partie du reportage. Et dans la deuxième partie, il va aborder le côté un peu plus, on va dire, tendre de cette histoire. Cette histoire, comme il le dit si bien, du David, vainqueur de Goliath, de ces joueurs prolétaires, comme on les appelait, qui ont battu le grand Hambourg. 1982, l'IFK participe à la Coupe UEFA. Au quart de finale, elle élimine Valence. Pour y aller à Valence, le club est obligé d'emprunter de l'argent du club de supporters pour le billet d'avion. À la demi-finale, elle bat Kaiserslautern. C'est déjà une grosse surprise qu'une équipe amateur a réussi d'y aller aussi loin contre telle compétition. Mais la meilleure partie attend toujours. La finale se fait face à Hamburger Sportverein, un club qui gagnera la Bundesliga de 1982 et 83, autant que la Coupe de club champion européen 1983. Le 5 mai 1982, l'IFK gagne le premier match 1-0 à Göteborg sous des conditions terribles, autant au niveau du terrain que de temps. Le retour a lieu le 19 mai à Hambourg. Tellement sûrs de soi sont les Allemands que quand les joueurs de l'IFK se promènent dans le centre de Hambourg quelques jours avant le match, ils voient des supporters qui portent des chemises sur lesquelles c'est écrit « UEFA Cup Sieger 1982, victoire de la Coupe UEFA 1982 ». L'entraîneur autrichien de Hamburger Sportverein, Ernst Happel, dit qu'il est content que l'équipe suédoise n'a pas de blessés. Comme ça, elle ne peut pas blâmer la défaite sur les blessures. Cette sûreté fait que augmenter les résolus à gagner chez l'IFK. Le résultat, Hamburger Sportverein IFK 0-3. C'est l'humiliation totale pour les Allemands et une des plus belles victoires pour la Suède dans l'histoire du foot. Comment c'est-il possible que cette équipe de travailleurs gagne la Coupe UEFA? C'est sûr que la sous-estimation à partie des adversaires a contribué au fait. Mais il y a aussi autre histoire, une histoire qui parle des valeurs du collectif et de la collaboration. L'IFK était à l'époque une équipe des amis, sans les gros stars, dont chacun valait autant que les autres. On retourne en 1986. 4 ans après la victoire de la Coupe UEFA, l'IFK joue le demi-finale de la Coupe des clubs champions face à FC Barcelone. L'histoire se répète. Les supporters de Barcelona sont sûrs d'une victoire facile. Vamos a ganar 4-0. Il semblerait, chers auditeurs, que nous devions faire face à un petit problème technique, mais on n'est pas à ça près ici à des bâtons d'anguirou, on sait rebondir, on sait prendre le ballon en vol et pour éventuellement dégager au loin. Oui. On peut conclure alors du coup à la place de Père, éventuellement, docteur. On peut conclure qu'en tout cas c'était une belle épopée du sport amateur, une épopée comme on en connaît très peu maintenant, ce qui est un petit peu triste d'ailleurs. C'est une belle leçon que nous donne le football suédois de cette époque-là. Il nous arrive parfois que tout de même de vibrer en Coupe de France aux évocations de petits clubs amateurs. Mais c'est vrai que Père le dit en conclusion de son reportage, malheureusement on n'a pas pu entendre la fin, que c'est sans doute plus possible aujourd'hui à la fois qu'un club suédois gagne la Coupe d'Europe et qu'un club amateur en fasse de même. Écoutez, moi je tenais à remercier Père très personnellement pour ce reportage. Et Brett, peut-être vous aviez un mot à dire à ce sujet avant de repasser la parole à Magic. Moi je voulais tout de même rajouter qu'on retrouvera l'intégralité du reportage de Père sur le blog. Donc voilà, parce qu'on est désolé de ce petit problème technique. Hein. Mais bon. Oui, c'est surtout voilà, ça que je voudrais dire aussi. Désolé pour ce problème technique et d'avoir censuré malencontreusement Père. C'était pas le but, mais bon, il en reste que c'est une très très belle chronique. En tout cas, il a un beau flot de paroles sur la fin. Là. Il a un beau flot. 4-0, 4-0, 4-0 était assez bon. Il y a ce truc en Suède, je crois, sur la capacité à répéter un petit peu les choses. Bel accent suédois, Manuel. Moustache gracias. Brett. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais plus, je suis perdu. Écoutez, on a a priori résolu notre problème technique. Est-ce qu'on enchaîne sur un reportage? Mais que devient Magic? Magic, on ne sait pas. Magic, est-ce que vous êtes là? Oui, vous m'entendez? Bien sûr, toujours aussi bien. La liaison est vraiment parfaite. Hein. Me fuit. Moi, j'ai aucun problème technique. Je vous entends très très bien. J'ai bien aimé la fin du reportage de votre ami, le Père. Très sympa. Écoutez, un match vraiment très agréable à vivre, du beau football. Je suis vraiment étonné par la qualité du football qu'on voit ici en Suède. Alors, juste pour vous rappeler quelques petites données peut-être sur ce match, puisque on n'a pas eu l'occasion de commencer tout de suite par ça. Vous savez qu'ici, en Suède, on joue la 23e journée du championnat et que celle-ci en compte 30, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans la dernière partie du championnat et qu'il y a un enjeu particulier à ce match entre Malmö et Helsingborg, c'est que Malmö est quatrième pour l'instant de ce championnat avec un match en retard et Helsingborg cinquième. Et donc tous les deux concourent pour une place européenne pour jouer la Coupe d'Europe à la fin de la saison et que Helsingborg, menant de 1-0 toujours à l'instant, mais se rapproche dangereusement de Malmö et que voilà, il y a de la tension, il y a de l'enjeu, ça se voit sur le terrain, ça se bat, c'est très athlétique, il y a du cœur, voilà, c'est un match très agréable. L'étau se resserre en quelque sorte entre les deux équipes. Tout à fait. Merci Magic, on vous retrouvera pour la fin du match et peut-être pour évoquer aussi, je crois avec le docteur, la situation géographique. Oui, la situation géographique de ces deux villes, Helsingborg et Malmö, je ne vous apprends rien mon cher Magic, hein. donc Helsingborg, Malmö, des villes qui sont quasiment en fait frontalières du Danemark, puisqu'elles sont à chaque fois en face des villes de Copenhague. Et c'est le derby, ville... c'est le derby. C'est oui, c'est un derby bien sûr du sud-ouest suédois, mais c'est aussi Helsingborg, une ville qui fait face à une ville qui vous tient peut-être à cœur, eu égard à vos activités annexes sur les planches, mon cher Magic. C'est la ville d'Elsener, la ville d'Elsener qui se trouve au Danemark, en face de la ville d'Helsingborg. Alors, est-ce qu'il y aurait un lien à l'éventuelle pourriture de ce match? Je ne sais pas. Enfin, bon, bref, vous m'en direz plus si ça vous intéresse. C'est assez mystérieux pour Magic, je crois, surtout. Il se creuse un petit peu les méninges. Manuel. Si. Si, Manuel, comment est-ce? Buen. On sent la pêche. Est-ce qu'on lance un nouveau sujet? Avec plaisir, Brett. Avec plaisir. De quoi voulez-vous que nous parlions? D'un très beau film suédois. Ah, c'est vrai. C'est le moment d'alimenter notre rubrique cinéma et football, peut-être. Ça me paraît une très très bonne idée. Et on a trouvé une perle cette semaine lorsqu'il s'agissait d'évoquer notre spécial Suède, un film qui en suédois est intitulé Fimpen. La traduction, Yannette, de Fimpen. Je ne sais pas, c'est quand on fume une cigarette, c'est le seul morceau de cigarette. Ah, la cendre, le mégot. Le mégot peut-être, oui. Le mégot. Bon, ce doit avoir un rapport avec la taille du héros. En fait, la traduction anglophone et francophone de ce film, c'est Tom Foot. En deux mots, c'est un film réalisé par Bo Widerberg, qui est un cinéaste des années 60-70 suédois. Plutôt dans la tradition, la contre-culture de l'ami Ingmar Bergman, qui écrasait un petit peu, je crois, Brett, tout le cinéma suédois de l'époque. Complètement. Et Widerberg se situait plutôt proche de la nouvelle vague française, un cinéma moins dans l'esthétisme, plus dans l'expérimentation, l'improvisation un petit peu. Il a fait deux films dont les noms m'échappent parce que j'ai oublié mes notes, mais qui ont été bien reçus à Cannes. Il a reçu deux prix du jury quand même, ce qui est pas rien en 69 et 71. Ce qui est pas rien du tout. On retrouvera toutes ces références sur notre blog, bien évidemment. Et là, Fimpen, Tom Foot, est un film qui est sorti en 1974 sur les écrans suédois et qui raconte la vie d'un jeune footballeur de 6 ans, tellement doué. Un peu comme Magic à l'époque, destin brisé du football franco-marocain. À 6 ans, il est tellement doué qu'il intègre l'équipe nationale suédoise et il en fait le plus grand bonheur. Alors on va vous passer trois scènes de ce film qui sont malheureusement en suédois puisqu'on n'a pas trouvé de version française. Mais Jonas et Yannette vont vous faire un plaisir de décrire un petit peu ces scènes. La première, c'est une scène à l'école du jeune... Jonas Bergman, le héros de ce film. La deuxième est une scène où un de ses entraîneurs lui raconte une histoire avant un grand match. Et la troisième, c'est une scène de match où il représente fièrement les couleurs jaune et bleu de la Suède. Je pense que je viens de comprendre. Le Tom Foot fait allusion peut-être à Tom Pouce. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Je viens d'y penser à l'instant, c'est étonnant. Allez, on écoute. Med att dela ut papper och pennor. Och sen så ska ni rita av oss. Själva. Er själva ska ni rita av. Mm, det känner jag. Bortspegeln. Stina hade en biodling med särskilt fina ben. Det gjorde honung med olika smaker. Choklad, vanilj, yoghurt, päron. Och ibland kokos. Sen gick alla 14 björnarna hem igen genom skogen. Alla björnen hade varsitt husträd utom lilla Nalle. För han var så liten. Han bodde hos mamma och pappa. Sover du? Nej. Du måste sova nu, Johan. Du vet att det är match imorgon. Mitt inlägg att vänta. Av er Ralf. Och där är Fimpen... Och nickar i mål istället för allt. Och det är 2-2. 2-2, det är bara sekunder kvar av matchen mellan Österrike och Sverige. 2-2. Alors, oula, un léger Léger Larsen en studio. Léger Larsen en studio. Henrik Larsen, pour ne parler que de lui. Donc voilà, ces trois scènes de ce film où on reconnaît cette belle et douce langue suédoise. Jonas et Yannette, vous pouvez nous dire un petit peu ce qui se passe dans ces trois scènes ? Dans la deuxième scène, il y avait le père de Fim Peng qui a lui, fait, comment dire, qui a parlé de match de lendemain. Et après, le dernier extrait, c'était en fait de match. Le match. Il marque un but de la tête, je crois, malgré sa toute petite taille. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil au cinéma d'avant-garde suédois. C'est peut-être pas le plus grand film de Bo Widerberg, faut peut-être le signaler, mais, mais c'est un film qui a le mérite de parler de football, et après tout, dans des bâtons d'Anguérou, on parle aussi un petit peu de football. Il y a quand même de très belles scènes, on était d'accord pour dire que la scène qui apparaît pas, je crois, dans le son, mais sur la lecture d'histoire pour le jeune homme avant de se coucher par son entraîneur, c'était quand même relativement belle scène. C'est très intéressant, en effet. Merci, Emmanuel. Brett, est-ce que ce n'est pas le moment de retourner au stade pour voir un petit peu avec Magic comment se passent les événements ? Et est-ce qu'il y a ce soir matière à chambouler le classement du championnat suédois ? Magic ? Oui, chambouler, mais comme si vous aviez suivi, comme je vous disais tout à l'heure, le Helsingborg est toujours cinquième puisque si mes souvenirs sont bons, comment vous dire, le Helsingborg avait 34 points, donc contré aujourd'hui avec 3 points de plus, 37. Or Malmö est toujours à 42 points malgré la défaite. Donc un matelas confortable, hein, quand même. Encore un petit matelas qui se dessine encore, mais voilà, le championnat pour, en tout cas pour ce qui est des places européennes, est quelque peu relancé par la tournure de ce match, toujours 1-0, et rien ne semble déstabiliser cette équipe d'Helsingborg. On ne reconnaît pas vraiment les joueurs de Malmö. Ils sont devant au classement pour l'instant, mais sur le terrain, là, ce soir, je peux vous dire que à Helsingborg, ça chante, ça fait la fête, et les joueurs de l'équipe sont très motivés et tiennent ce résultat coûte que coûte. 1-0 pour l'instant. Oui, d'ailleurs, Magic, on ne vous a pas demandé l'ambiance du stade. Est-ce que c'est comparable au stade que l'on connaît en Europe, le stade de Marseille, par exemple, ou bien d'autres ? Est-ce qu'on retrouve quelque chose ? Il y a de l'ambiance, on les entend, il y a des fumigènes. J'ai l'impression qu'ils ont quand même pour modèle les clubs latins. En matière d'ambiance, c'est quand même beaucoup plus authentique. Là, il y a quelque chose d'assez discipliné. Les tambours sont rangés, on tape dans les mains l'un après l'autre. Enfin, c'est quelque chose d'assez droit, d'assez rectiligne, mais qui fonctionne. Ça fait de l'ambiance, c'est très sympathique à voir. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles. On connaît la qualité des jambes des Suédoises, et bien là je peux vous dire que même en ces temps-ci là, d'automne frais, hein, il fait frais ici en Suède, et bien oui, tout à fait, les jambes des Suédoises sont tout à fait sympathiques à regarder, mais le match continue. Attention, là on sent maintenant un dégagement de l'arrière droit de Malmö, toujours 1-0. Le match est sur le point de se terminer, et voilà, écoutez, je suis très content de passer cette soirée là ici à Helsingborg en votre compagnie. Merci Magic. Brett, je vous laisse enchaîner parce que je crois que vous vouliez nous présenter le docteur, nous représenter s'il y avait besoin de le faire, le docteur. C'est toujours un plaisir que je me fais que de présenter. Afin d'introduire sa fameuse légendaire et mondialement connue maintenant chronique. Alors ce docteur, petit rappel de biographie pour ceux qui l'ignorent encore, le docteur est un ancien chorégraphe reconverti à la géopolitique du football. Et ce soir, alors on est habitué aux chroniques du docteur, hein, qui l'ont d'ores et déjà rendu célèbre et pour de nombreuses années. Notamment au Mexique, où on a une petite presse là-bas. Bon, on a très souvent des messages de jeunes fans et fans mexicains, et qui ce soir troquent un petit peu sa chronique au profit d'une interview. Oui, merci Brett pour cette introduction. C'est une interview donc j'ai intitulé Éducation et sport, une perspective croisée France-Suède. Donc je vais vous présenter succinctement mes deux invités. Donc il s'agit de Jeanette Entati. Jeanette Entati, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes originaire de Luleå. Donc Luleå, c'est une petite ville d'une cinquantaine de milliers d'habitants au nord de la Suède, à l'extrême nord de la Suède. Hein. Donc on est, yes, indeed. Ouais. On est à la proximité de la frontière suédoise, on n'est pas très de la frontière finlandaise, excusez-moi, pas très loin. Donc c'est une chance pour vous d'être allé jusqu'à Stockholm. Mais oui. Ouais. Alors à Stockholm, vous ne contentez pas de... On est déjà au sud à Stockholm, donc voilà. Et donc à Stockholm, vous préparez actuellement un doctorat en anthropologie sociale, donc à l'université de Stockholm. Et donc votre thèse consiste en une étude comparative entre la Suède et la France sur l'enseignement secondaire, donc notamment des disciplines de l'histoire, de la géographie et de l'éducation civique. Je ne sais pas si on pourrait parler d'éducation civique en Suède, mais bon, on va en discuter tout à l'heure. Et d'autre part, on est avec son compagnon Jonas, qui lui est plutôt originaire de Stockholm, bien qu'il ait vécu sur l'île de Gotland, qui est au large de Stockholm, non loin de l'Estonie, ces anciens territoires soviétiques. Hein, donc voilà, le Gotland, hein, petite densité, mais marchons sur des œufs. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est discuter un petit peu avec Jeanette de cette perspective croisée, donc des sujets de sa thèse. Et est-ce qu'elle pourrait nous présenter succinctement des différences qu'elle estime comme fondamentales entre l'enseignement, donc de ces disciplines, histoire, géographie, éducation civique, en Suède et en France? Bon, d'abord, il faut dire que il y a certainement des différences, mais il y a aussi des convergences. Mais voilà, la grande, ce qui m'a frappé. En France, c'est que l'école, au collège, c'est vraiment un espace, en tant qu'espace social, c'est vraiment fermé. Donc en Suède, le collège ou l'école, c'est plutôt un espace ouvert. Donc il y a une libre accès à l'école, mais ici en France il faut avoir un passeport, quoi, le carnet de correspondance pour même entrer au collège. Donc ça, c'est tout d'abord une grande différence que j'ai notée. Après, je sais pas. D'accord, là on est sur l'espace. Oui, dans que l'espace. Vous estimez beaucoup plus ouvert donc en Suède. Pas de grille, pas de surveillant à l'entrée, pas d'espace fermé, on sort quand on veut. Mm-hmm, dans tout le à secondaire. Fait. Mm-hmm, dans le secondaire, d'accord. Ouais. Dès la primaire. C'est pareil, hein. Ouais, on n'a pas des d'accord, pas d'obsession sécuritaire. Non, donc, non. Là, en France, vous avez quand même même des surveillants en collège, en secondaire. Ce qui n'existe pas en Suède. Non, pas du tout. D'accord. Donc, ça m'a frappé. Très bien. Ouais, au début. Et au niveau des disciplines enseignées, par exemple, on sait que très souvent, dans les pays nordiques, la géographie est considérée comme une discipline distincte de l'histoire. Qu'en est-il en Suède? Est-ce que l'éducation civique est enseignée? Est-ce que c'est une morale? Quel est en fait le système d'enseignement? Est-ce qu'il est vraiment très différent ou est-ce que c'est finalement assez lié? Bon, on a quand même la discipline. On dit pas éducation civique dans l'éducation suédoise. Il n'y a pas une matière qui s'appelle éducation civique. On parle plutôt de comment dire, la science de la société, un truc comme ça. Donc, c'est plutôt une matière qui aborde des sujets sociaux, politiques, et pas des valeurs, des symboles de la République, quoi. Donc, c'est plutôt le collège, l'éducation nationale en Suède, c'est plutôt concentré sur la société. Et à mon avis, l'éducation nationale en France, c'est plutôt concentré aux valeurs symboles de l'État, quoi. Donc, je ne sais pas. D'accord. Est-ce que les programmes scolaires, par exemple, on sait qu'en France, il y a une forte tradition où l'école est faite pour... l'objectif de l'école est la formation des citoyens français, en réalité. Donc on apprend beaucoup d'histoire de France, par exemple. Est-ce que c'est la même chose en Suède? On apprend beaucoup d'histoire de la Suède. Ou est-ce qu'il y a quand même une tentative d'essayer de s'exporter, de parler d'Europe, par exemple? Oui, non, mais tout à fait. De l'âge de 13 ans, on étudie plus l'histoire suédoise. On concentre sur le monde, en gros. Mais bon, après, je ne sais pas, ça fait que 3 semaines que je suis là en France, donc peut-être au coup... Bon, il faut noter qu'en France aussi, on essaie de se diversifier à l'histoire de l'Europe depuis un certain temps. Est-ce que pour comparer ces systèmes, est-ce que pour toi, tu pourrais comparer ces systèmes éducatifs à des systèmes d'une Europe du Nord, d'une Europe scandinave? Je ne sais pas si tu connais en fait bien, et d'une Europe du Sud finalement, où la France serait plus liée à une Europe du Sud, ou est-ce que la position de la France, elle te semble plutôt intermédiaire finalement entre ces deux mondes culturels? Je ne sais pas. Non, j'ai l'impression, je ne connais pas le cas vraiment de la Norvège, de la Finlande, mais il me semble quand même qu'il y a une grande différence entre, par exemple, l'éducation nationale en Finlande et en Suède. Et donc, Finlande est un pays qui est plutôt... qui tient des bons résultats dans les... comment dire, évaluation internationale, et c'est pas pareil en Suède. D'accord, donc l'éducation a quand même un rôle important, selon toi, dans le développement d'une spécificité en réalité scandinave dans les domaines économiques et sociaux. On parle très souvent du modèle scandinave, que ce soit en termes de développement durable, par exemple, mais aussi d'équité entre les sexes, par exemple. C'est intéressant de voir ce que, avec toi justement, si tu penses pour l'instant sur les études que tu as faites pour l'instant, si cette éducation elle est vraiment fondamentale dans cette logique-là en Suède par exemple. Oui, je crois. Certainement. Il y a une tradition dans l'éducation en Suède de pratiquer, un travail démocratique au début de la primaire, quoi. Donc cette idée de la démocratie, j'imagine, a pour but aussi de transmettre des valeurs d'égalité entre les sexes, de tout. Hein. D'accord. Et donc, par exemple, les élèves suédois prennent plus facilement la parole, par exemple, que les élèves français, selon toi. On parle, en fait. Oui, c'est vrai. En France, on doit apprendre tous par cœur. D'accord. Et ce n'est pas du tout le cas en Suède. Et un autre aspect qui nous semble intéressant dans notre émission, c'est la place du sport donc, dans l'éducation suédoise. Est-ce que, par exemple, on est sur des modèles avec école le matin, sport l'après-midi, comme ça peut être le cas, par exemple, en Allemagne ou parfois dans les pays comme les Pays-Bas, je crois? On a du sport, mais je ne sais pas si ça prend... Ça a lieu le matin spécifiquement ou l'après-midi. On a 3 heures de sport. D'accord. Pas plus. Chaque semaine, mais pas d'accord. Plus. Oui, trois heures à peu près. Très bien. Ok. Selon toi, le sport, ça peut constituer éventuellement un vecteur de socialisation ou de rescolarisation, même d'intégration, comme on le voit avec, par exemple, finalement. Cette logique, alors qui est toujours particulière, hein, des footballeurs qui réussissent, je ne sais pas ce que tu en penses. j'ai aucune idée, mais c'est possible. Après, le sport, c'est pas une solution pour tout le monde, non? Je ne sais pas. Non, mais d'accord. Hein. Mais c'est aussi une éducation parfois à la vie en société. Oui. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Nous qui pratiquons le football le lundi. Dans les sports collectifs, tout au moins. Voilà. D'accord. Et au niveau du sport féminin, par exemple, c'est quand même quelque chose qui est très développé en Suède. Donc là, je dois demander à Jonas, parce que c'est lui qui connaît le foot. Là. De frågar om kvinnofotboll, eller fotboll för kvinnor i Sverige, om den är utvecklad. bakom. Jag tror den har utvecklats mycket de senaste åren bara. Och Sverige har varit väldigt framstående, kvinnorna jämfört med männen i internationell fotboll till exempel. Och vunnit, Umeå har vunnit Champions League flera år till exempel under 2000-talet. Ok, donc il dit que j'ai déjà oublié que c'est un glompeuse. Men att kvinnofotbollen har varit rätt utvecklad jämfört med, och de har internationellt vunnit stora framgångar i. Ah d'accord. Il dit que le foot, comment dire, féminin en Suède a été beaucoup développé ces dernières années et que l'équipe de foot féminin en Suède a gagné beaucoup plus de UEFA. UEFA de match, championnat d'Europe, oui, que l'équipe masculine en fait. Ouais. Donc ils ont gagné, ils ont de succès quoi. Och Marta har spelat i Umeå, nu spelar hon i Tyresö som är den bästa fotbollsspelaren under 2000-talet. Oui. Et donc le meilleur joueur du monde, pas le meilleur joueur féminin. Joueuse. Oui, du monde, Marta. Vad heter hon mer? Marta är Marta. Elle s'appelle Marta, elle joue elle a joué au Umeå dans une ville au nord de la Suède, et là elle joue à Tyresö à côté de Stockholm quoi. Très bien, d'accord. Et un autre chapitre qui est intéressant, puisqu'on est avec Jonas, qui quand même connaît bien la situation en Suède, c'est l'aspect éventuellement du sport et de violence qu'il y a. On voyait notre ami Magic évoquer les fumigènes dans les stades. On a envie quand même de parler du phénomène du hooliganisme. Est-ce que le phénomène des hooligans est un phénomène qui est connu en Suède? Est-ce qu'on a une sorte de violence autour des stades? Est-ce que le football est aussi créateur de violence comme il l'est? C'est une réalité, donc on ne peut pas l'oublier. Förstår du om huliganism existerar i Sverige, om det är vanligt med våld eller om det också är kopplat till våld? I Stockholmsklubbarna har det varit så under lång tid egentligen. Okay. Men egentligen inte andra klubbar, bara herrfotbollen liksom, okay, i allsvenskan. Donc il dit que oui, mais oui, la violence existe, le hooliganisme existe, mais plutôt dans les clubs de Stockholm. Donc entre les clubs de Stockholm, c'est ça on dit, les clubs, oui, le club de Stockholm, on a vu pas mal de violence. Ok, voilà. Mais pas du tout. C'est pas du tout. D'accord. Normal dans d'autres. C'est någon slags skillnad i kulturerna mellan de här Stockholmsklubbarna, AIK och Djurgården, å ena sidan, och Hammarby till viss del, och de här med landsortsklubbarna som har mer liksom en annan typ av fotboll på något sätt, och en annan typ av kultur kring klubbarna. Donc il y a une certaine culture entre eux dans les clubs de Stockholm, donc AIK, Djurgården, Hammarby, qui fait des contestations entre avec des connotations politiques. Est-ce que c'est des clubs qui sont liés? Färger eller? Inte nödvändigtvis egentligen, för de representerar lite olika politiska färger också egentligen, de klubbarna. Il y a un certain degré de connotation politique, mais c'est pas que ça. Och land, mais c'est plutôt lié au géographique. Quartier, géographie. D'accord. Bon, ben merci beaucoup. Ça va nous permettre d'opérer notre transition éventuellement avec Malmö, l'éventuelle Marseille suédoise. Donc, je vous remercie pour cette interview et pour vos réponses. Donc, peut-être que je vais repasser la parole à mes amis Manuel et Brett, pour évoquer éventuellement cet écrivain qui fait débat. Qui n'est pas sans nous poser problème. Avant d'évoquer cet écrivain, d'abord, bravo docteur pour cette interview. Merci Jeannette et Jonas. Jeannette, il paraît que vous avez joué au football, Jeannette. Moi, oui. D'accord, vous avez joué quand même un certain temps. Bon, peut-être pendant 3 ans, 4 ans. Mais quand j'avais, 12 ans, Oui, mais ça n'excuse rien, vous allez jouer au football. On vous attend tous les lundis. Non, non, pas du tout, je joue plus. Merci. Oui, donc, une personne qui parlait aussi donc, de cette comparaison possible entre Malmö et Marseille, et donc c'est un écrivain alors, qui nous a posé certains problèmes, on y reviendra, qui s'appelle Fredrik Ekelund. Donc, il est un écrivain suédois, c'est ce qui en premier lieu nous a intéressé. C'est un quelqu'un qui a joué au foot beaucoup, qui aurait pu être joueur professionnel, qui ne l'a pas été, qui s'est lancé dans l'écriture. Donc, c'est la deuxième chose pour laquelle il nous intéresse. Et il a écrit aussi deux livres sur le foot, notamment le foot brésilien, je crois le plus récent, et un plus ancien qui est sur le foot italien. Donc, cet auteur, ce qui nous plaisait, je reprends mes notes que j'ai perdues en cours de route. Ce qui nous pose problème, et là peut-être Jeannette pourra nous intéresser, c'est que le premier problème, c'est qu'on n'a pas pu le contacter. On l'a contacté, mais on n'a pas pu avoir d'interview pour l'émission. Et deuxième problème, c'est que Jeannette, vous nous avez parlé d'une affaire qui aurait eu lieu en Suède il y a quelque temps à propos de cet écrivain. Et qui est ? Est-ce que vous pouvez peut-être en parler rapidement avant que je continue la présentation ou... J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que c'est l'affaire, l'affaire Ekelund. Oui. Donc, le fait, c'est que il a écrit des articles en disant que ce qui se passe à Malmö pour l'instant, c'est lié à certains vagues d'immigration. Et donc c'est tout à fait un sujet qui est très contesté en Suède pour le moment, parce qu'on a à Malmö vu depuis des années une vague forte de criminalité. Et il y a certains qui parlent de la pauvreté, il y a certains comme Fredrik Ekelund qui parlent plutôt de l'immigration. Comme aussi la partie de l'extrême droite au Sverigedemokraterna. Donc, comment dire ça, je ne sais pas, la... Oui. Qui ont une représentation au Parlement suédois ou... Oui, tout à fait. Depuis peu, hein, il me semble. Depuis Sannaramsitram, mais la dernière élection, c'était 2010. Mm-hmm. Mm. Bon, de toute façon, sans trop s'apesantir sur cette question, parce qu'on aura l'occasion d'en parler, parce qu'en fait, une interview est lancée avec lui par écrit. On aurait aimé avoir une interview orale, mais ce sera difficile. On aura une interview par écrit, donc les questions seront posées. On pourra en parler peut-être dans une prochaine émission, peut-être la prochaine. En fait, ce qui est étonnant aussi avec cette histoire, c'est que en fait, cet écrivain qui a voulu être écrivain, qui a voulu être footballeur, qui a été écrivain, qui a travaillé, je crois, à Malmö sur les ports, quand il a commencé sa carrière d'écrivain, était quand même considéré comme un écrivain de la classe ouvrière, et on parlait beaucoup notamment de ces polars qui arrivent plus tardivement comme des polars sociaux avec un fort ancrage dans les problèmes sociaux de la Suède contemporaine. Et son dernier roman, le seul traduit en français, qui s'appelle Le garçon dans le chêne, raconte une histoire à l'intérieur d'une communauté musulmane de Malmö et d'une jeune fille qui se fait assassiner, et l'enquête est menée par un vieil inspecteur suédois, donc qui représente un petit peu la vieille Suède, avec un petit peu réactionnaire, un petit peu, enfin, qui comprend pas exactement les changements qui arrivent à la Suède, et il a pour associer une fille dont j'ai oublié le nom, mais qui est d'origine coréenne, et à son contact, il va un petit peu aussi s'ouvrir sur des choses différentes, sur d'autres cultures, et donc ce polar semblait intéressant, notamment parce qu'en plus il racontait donc cette ressemblance dont peut-être Jeannette vous pourrez nous parler entre Malmö et Marseille. Et avec je pense qu'il parle assez régulièrement du club de Malmö. Donc ce serait peut-être intéressant, mais peut-être pas trop non plus s'apesantir sur lui si on a l'interview et si on peut en parler la prochaine fois. Bah, il faut juste rappeler qu'effectivement, nous, on partait juste sur l'idée d'évoquer ensemble la question de littérature et de football avec un auteur suédois qui parlait de football et qui en plus évoquait un truc intéressant pour nous, c'était cette comparaison Malmö-Marseille, et puis que ces révélations nous sont arrivées dessus parce qu'on a un petit peu cherché, parce que Jeannette nous a mis la puce à l'oreille, et du coup, avant d'en parler plus Peut-être qu'on creusera nous aussi plus le sujet, parce qu'on voudrait pas parler de n'importe quoi à son propos. Voilà. Non, non, et puis on s'inscrit tout de même dans des valeurs qui sont celles de Radio Galère aussi, tout qui à nous fait. Abritent généreusement. Donc bon, voilà, il faudra quand même... Ben, on laissera pas dire n'importe quoi sur cette antenne. Donc en revanche, par contre, ce serait intéressant tout de même de parler de Malmö et de Marseille, éventuellement peut-être avec nos amis Yannette et Jonas, si l'idée de cette comparaison, par exemple, leur semble pertinente, par exemple. Je sais pas. Bah, plus ou moins. Mais ça dépend de perspective, quoi. Mais bon, oui. Bon, c'est deux villes du Sud, c'est deux villes portuaires, c'est voilà, deux villes assez populaires, a priori, d'après ce que vous nous disiez aussi, docteur. Mais pourquoi pas Göteborg et Marseille? Pourquoi Malmö et Marseille? Non, bon, ce que je dirais, c'est que Malmö et Marseille portent la même représentation dans les médias national. Donc on parle de Malmö en Suède, on parle de Malmö aux mêmes manières qu'on parle de Marseille en France. Donc c'est-à-dire que même si Göteborg, je sais pas, il y a certainement d'autres villes en France qui est très populaire. Mais qui tient pas cette rôle dans le média comme Marseille. Ce qui est sans doute vrai, voilà. On n'a pas beaucoup d'équivalents de villes de la taille de Marseille qui soient aussi populaires, peut-être. C'est pareil, je parle toujours sous le regard de l'équipe très sérieuse des bâtons d'Anguirou. Mais en tout cas, effectivement, Marseille, on le sait, tient un rôle particulier dans les médias à ce sujet-là. Et effectivement, d'après ce que vous nous dites, Malmö souffre la comparaison. Voilà, voilà. Cette émission s'inscrit donc sous le signe de la pêche et du dynamisme. Et c'est comme ça qu'on va enchaîner. Peut-être, Brett, je ne sais pas si vous aviez terminé avec ce sujet. Ou... J'avais quasiment terminé. Je pense que, enfin, il me semblait que ce n'était peut-être pas la peine de trop en parler non plus, parce qu'on ouvrira à nouveau donc, cette rubrique littérature et football à l'occasion de sa réponse à l'interview. Et mais voilà, après, il y avait beaucoup de choses qui semblaient intéressantes, mais qui du coup se trouvent un petit peu bloquées par ce fait. Une fois qu'on ira chercher, voilà, on pourra peut-être en parler plus, mais en tout cas, il y a des choses qui ont l'air intéressantes. Je sens que vous voulez revenir à Magic. Évidemment. Parce qu'il s'est passé des choses dans ce match, j'ai l'impression. Magic? Oui, allô, vous m'entendez? Bah, évidemment, Magic. Oui, parce que j'attends depuis tout à l'heure. Bon, mais je suis allé à la buvette, évidemment. Le match est terminé depuis une dizaine de minutes. Et alors, j'écoutais dans mes haut-parleurs le déroulement de l'émission. Et il y a des belles choses qui ont été dites. Mais sur le terrain, il s'est également passé des choses intéressantes. Et alors, donc, le Helsingborg qui dominait assez outrageusement le match, ou en tout cas qui le maîtrisait suffisamment bien, bah, s'est fait surprendre sur un contre. Enfin, sur un compte, sur une petite erreur d'arbitrage qui a vu l'arbitre qui a vu un corner pour l'équipe de Malmö, alors que en réalité le ballon était touché par le joueur de Malmö qui devait y avoir donc un 6 mètres. L'arbitre a sifflé un corner, et sur le corner, Malmö qui égalise, Malmö qui y a toujours cru, et il faut leur rendre hommage. Et donc le match s'est terminé sur ce score de parité 1-1 partout. Et donc au classement, les deux équipes restent 4e et 5e et ne se départagent pas plus que ça. Et voilà. Est-ce que vous m'entendez? Bah bien sûr, Magic, merci. Ah oui. Merci pour vos beaux commentaires. Écoutez, je crois que vous découvrez en même temps que nous le football. Non, vous ne le découvrez pas, vous êtes un vieux routard du football, mais il me semble que c'est la première fois que vous êtes au stade en Suède. Vous découvrez donc un peu par là même cette ambiance. Vous étiez à Dublin il y a 15 jours. On sait que grâce à des bâtons d'Anguirou, vous avez aussi été en Pologne, vous avez aussi été en Italie. Bref, qu'est-ce que vous nous diriez pour un petit peu conclure sur cette expérience suédoise pour vous? Alors c'est vrai que j'ai arpenté, je commence à avoir arpenté pas mal de pays en Europe en termes de football. Ce qui est frappant de noter, et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une certaine discipline dans les comportements, aussi bien chez les supporters que parmi les joueurs et le staff technique des clubs. Lorsque l'entraîneur, et j'étais à côté de celui de Malmö tout à l'heure à la fin du match, lorsque l'entraîneur donne une consigne, eh bien personne ne bronche, tout le monde la respecte de manière tout à fait droite, et il n'y a pas de contestation des décisions et de l'autorité. C'est assez étonnant de voir ça, voir ça de cette manière-là, aussi bien sur le terrain, comme je vous le disais, que sur les gradins et chez les supporters. Voilà une des choses qui m'a frappé. Et puis, il faut rendre hommage aux Suédois. C'est des personnes extrêmement sympathiques. Je suis à la buvette, là. Et je vois que tout le monde est de très bonne humeur. Qu'est-ce qu'on boit en Suède ? Je sais qu'on boit un peu d'aquavit, on boit un peu de choses comme ça. Oui, je sais parce que je suis allé une fois en Suède. Voilà. Oui, non, mais... Je voulais juste mentionner que les Suédois se targuent d'avoir inventé la vodka. Oui. Et je voulais savoir ce qu'en pensaient nos invités tout de même. Vodka ? Non, je ne bois pas. Hein. Mais... vodka. Ça arrive, hein ? La question, c'est est-ce que les Suédois ont inventé la vodka ? Ah, ok. Je ne sais pas. On boit un petit peu. Vodka. Il dit qu'il croit. C'est bien ce qu'on pensait. Les Russes, on ne sait pas, mais bon. C'est bien ce qu'on pensait. Bon, en tout cas, merci Magic. Moi, je voulais juste aussi revenir une dernière fois sur cette histoire de littérature et de football qu'on réévoquera donc plus tard. En tout cas, ce n'est pas grâce à Thomas Brolin, un des très grand joueur de l'équipe de Suède et de plusieurs clubs italiens et suédois, qu'on aurait pu évoquer la question de la littérature et du football en Suède, puisque c'est un joueur qui, je le sais grâce à mon ami Père, qu'on a entendu tout à l'heure, un jour s'est un petit peu vanté dans une interview de n'avoir jamais lu le moindre livre, parce qu'il ne voyait pas l'intérêt. Donc voilà, on salue Thomas, mais on ne salue pas son initiative, en tout cas. N'est pas Lilian Thuram qui veut, quoi. Mais non. Manuel, si. Une nouveauté. Ah oui, c'est vrai, on vous l'avait annoncé, on vous l'avait dit, on va jouer cette année dans Des bâtons d'Anguirou. Un jeu littéraire, quand même. Ah, bien évidemment, un jeu plein de classe et plein d'entrain. Nous gardons notre sérieux. Comment on pourrait annoncer ça ? On va essayer de créer quelque chose qu'on pourrait appeler le cadavre exquis de Thierry Roland, en hommage à notre cher présentateur. Notre confrère. Confrère ou en tout cas présentateur, décédé dans l'année. L'idée, ce serait de lancer une première strophe. Une strophe poétique. Une strophe poétique, bien sûr. Mais les strophes suivantes pourraient prendre une autre forme, hein, aussi bien. Libre à ceux qui décideront de jouer, de faire ce qu'ils veulent. Ça s'agite autour de moi. Mais en tout cas, l'idée, c'est pour nos nombreux auditeurs, s'ils le veulent, de répondre à cette strophe par une autre strophe et de créer à la longue une longue élégie. Ce que vous voulez nous dire, Brett, c'est que vous lancez une sorte d'appel à candidature. Quelque chose comme ça. Après que nous ayons lu cette première strophe, nous ne doutons pas que nous recevrons de nombreuses suites, que nous choisirons la meilleure. Exactement. Qui se lance à la lecture de la strophe, docteur ? Docteur, votre douce voix professorale peut faire l'affaire, je crois. Un petit cercle, comme l'ombre d'un ballon, l'empreinte du paiement faite à charron, redevant se régler à l'heure dernière, le haut qui va du corner au coroner. On a un beau point de départ, merci docteur. On peut donner peut-être, cher Brett, l'auteur de cette première strophe, le signaler. On va le signaler, on va l'appeler Julien. Oui. Puisque son prénom est Julien. Mm-hmm. Je pense qu'il souhaite garder un tant soit peu l'anonymat. Très bien. Et voilà, il est éditeur et traducteur, et il s'est proposé, l'idée vient plus ou moins de lui, on l'a élaboré après, mais et donc il nous a proposé cette première strophe qu'il appelle une strophe de cata pour Thierry Roland. Alors, je suppose que le principe sera le suivant. Cette strophe sera, on la retrouvera sur notre blog, à la rubrique jeu. Et que la manière de continuer cette strophe pour un petit peu continuer ce cadavre exquis de Thierry Roland, ce sera de nous envoyer par mail vos suites. On ne doute pas que les réponses seront nombreuses. Et il sera éventuellement, on discutera, mais peut-être possible de venir la lire à l'antenne aussi, ce qui pourrait être éventuellement assez charmant. On sait que Radio Galère peut payer quelques voyages, alors bon, on verra, on s'organisera. Magic ne dira pas le contraire. On s'organisera comme ça. Brett, notre émission touche à sa fin. Elle se termine en effet. Alors, que dire ? Moi, je voulais dire deux trucs pour terminer. C'est d'abord qu'on salue le shérif Bradley, qui a fait sa plus belle banane ce soir pour accueillir les visiteurs de l'embobineuse et qui nous retrouvera pour la prochaine émission dans 15 jours, à la date exacte du 8 octobre, je crois. Et cette émission, on en connaît déjà le thème, mon cher Brett. Tout à fait. Est-ce que ce sera le punk football ? Je crois bien qu'il sera la question de football et de punk. Avec deux invités dont on peut déjà donner le nom, peut-être. Tout à fait. Le premier invité, Brett, sera un certain Guillaume Hollendorf, qui est auteur et traducteur, et qui a notamment traduit un ouvrage sur le punk allemand intitulé « Dilapide ta jeunesse » aux éditions Alia. Il viendra nous en parler, il viendra nous parler du hooliganisme allemand et de toute autre chose. Et le second invité, Brett. On peut déjà l'annoncer, a priori il s'agit du fameux Jens. Jens, émérite fan de Sankt Pauli, bien que grand désapprobateur de football. Donc nous allons bien discuter avec A priori Jens. On va avoir des débats intéressants et dans Débattons dans Guirou, on aime ça. On lance un jingle de sortie. Voilà, alors juste un dernier mot, Brett, si je peux me permettre, c'est de d'abord remercier évidemment nos invités qui sont courageusement restés jusqu'à la fin de notre émission. Merci Jonas, merci Yannette. Merci beaucoup. Merci. Tax Calé. On ira boire un coup ensemble après l'émission et nous pourrons ainsi dire Squall Tomefon ensemble. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que bien sûr vous retrouverez l'intégralité de nos chroniques et des commentaires de Magic et les t-shirts de Magic peut-être bientôt dans la boutique sur notre blog desbatonsdanguirou.posterous.com. Voilà, et moi on a reçu de nombreux appels ce soir en studio, on n'a malheureusement pas pu les diffuser parce qu'on avait un programme trop riche, mais il faut continuer à nous appeler aussi nombreux. Et merci Magic aussi, bien sûr, pour ses commentaires. Évidemment. Merci à Radio Galère. Et merci Manuel, merci Docteur. Et je pense qu'on va conclure sur les trois coups. Frappé à la porte par Yngwie Malmsteen. Radio Galère 88.4.